J'ai tant de questions à me poser à moi-même, à poser à mon public, à poser à ma famille, à poser à mes amis. Tant de questions. C'est certifié authentique. Quand je serai mort, vous pleurerez tous. Est-ce que j'écoulerai tout? J'ai que j'ai en gros. Pourquoi personne ne me donne ma chance? Pardonnez-moi pour mes erreurs. J'ai pas mort, tout dans le bon mood. Pourquoi dans le galère dans ce monde? J'ai la chance que le rap soit là, à la place de l'aumône. Est-ce que j'arrêterai de fumer, même si je peux? Est-ce que je pourrais me forcer? Pourquoi je me pose tant de questions sans réponse? Pourquoi j'essaie de comprendre ma vie? Pourquoi je marche pas dans le bon sens? Est-ce que je finirai en sombre après tout ces délits? Ou même en foyer, entouré de quatre murs, un bureau et un lit? Est-ce que c'est mon dernier? Est-ce que la mort va quand elle me chercher? Est-ce que ma femme actuelle sera la femme de ma vie? Ma vie est aussi triste que l'instru et l'inspire. J'arrive même plus à écrire des sons conscients, rap conscient. Est-ce que ma vie l'est aussi? À chaque son que je chante, je me demande s'il fera au bout le dernier. C'est-à-dire pas beaucoup. Pourquoi chaque âme de ma mère c'était de ma faute? S'il me reste en travers de la gorge, j'aurais dû mourir plus de 10 fois. Je comprends pas la vie, explique-moi s'il vous plaît. Y'a trop de questions que je comprends pas. Pourquoi je suis rempli de haine? Pourquoi mon moyen d'expression c'est le rap? Pourquoi je pense? Alors c'est pour des meufs bien que je rappe quoi? Je mito à chaque son. Pourquoi c'est petit pas la vérité sur ce son? Je suis vrai mais pourquoi je suis pas pour l'éternité? Pourquoi je pleure mon frère chaque soir alors que ça ne sert strictement à rien? Pourquoi quand j'ai sorti dernier soir y'a eu du buzz que pour rien? Pourquoi je me referme sur moi-même quand y'a un truc qui va pas? J'ai même pas les mots quand je veux parler à quelqu'un. Pourquoi quand je batte j'ai l'impression que personne n'est là pour moi? En vérité ils sont tous présents mais tu te rends pas compte sur le moment présent. J'ai besoin d'un piano pour m'exprimer, ça fait longtemps mais les touches blanches je les connais encore plus que les planches car c'est là-dessus que j'ai joué ma vie. Pourquoi quand j'essaye, ma vie ne s'améliore pas? Est-ce que je mourrai avec une tête de Jackala? C'est mon rêve, est-ce qu'il se réalisera demain? Pourquoi tant de questions? Pourquoi tant de réponses? Pourquoi tant de questions? Pourquoi tant de réponses? Pourquoi tant de questions? Pourquoi tant de réponses? Pourquoi je serai mort? Vous pleurerez tous. Est-ce que j'écoulerai tout le shit que j'ai en gros? Pourquoi personne me donne ma chance? Pardonnez-moi pour mes erreurs. J'ai pas mordu dans le bon moule. Pourquoi tant de questions? Pourquoi tant de réponses? Pourquoi tant de questions? Pourquoi tant de réponses? Pourquoi tant de réponses? Pourquoi tant de questions? Pourquoi tant de réponses? Pourquoi? Certifié authentique.